Bonjour François Morel. Bonjour. Les Amis de Georges est un magazine entièrement consacré à Georges. Attention, pas n'importe quel Georges. Si vous êtes monomaniaquement passionné par Pompidou, Marché, Guettari, Pernoud, Simenon, Lautner, vous risquez de ne pas entièrement trouver votre bonheur. En revanche, si Brassens vous enthousiasme, vous enfièvre, vous exalte, vous électrise, vous enflamme, ou tout simplement vous console et vous réjouit, vous êtes l'abonné idéal de cette revue bimestrielle. Dans son numéro 144, mars-avril 2015, on peut lire une interview de Charb par Christian de Ville-Cavelin. Charb s'explique sur une fatwa qu'il avait lancée en décembre 2014, mort à Brassens. Charb déclenchait des fatwas chaque semaine dans Charlie Hebdo. Des fatwas contre les chaussures à talons aiguilles, contre les lampes basse tension, les verres mal rincés ou les dessins d'enfants au bureau. Des fatwas pour rire. Jamais je n'ai croisé Charb une Kalachnikov en bandoulière. Donc la fatwa contre Brassens ne m'avait pas bouleversé. D'autant que lancer des fatwas contre des personnes déjà décédées, ce n'est pas très sérieux. C'est peut-être pour ça que, amateur de Brassens, je n'ai jamais pensé reprocher à Charb son texte contre celui qui, selon lui, chantait avec des patates chaudes dans la bouche, suintait et décrivait une France morte, celui dont l'anarchisme en bocal ne menaçait plus personne. Charb, tu pouvais bien penser ce que tu voulais de Brassens. Ça ne retirait pas un seul gramme de l'admiration et de l'affection que je vouais à Georges, pas un seul atome de l'amitié que je te portais. Individualiste, je suis d'accord pour qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Gloire à qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. Je ne t'emmerdais pas avec mon amour pour Brassens, tu ne m'emmerdais pas avec ta détestation de Brassens. D'autant que cette détestation déclarée visait plutôt ses adorateurs, ses idolâtres, ses iconolâtres, je cite Charb. Ce qui me paraît étonnant, c'est que Brassens, qui se revendiquait anarchiste, soit encensé comme un dieu vivant ou un prophète. Il est intouchable, comme le sont les gourous, alors même qu'il était idéologiquement en décalage avec un tel mode de pensée. C'est ce décalage entre l'adoration des ultras pour Brassens et ce qu'on sait de ce dernier qui m'a amusé. J'imagine que pour Brassens, être adulé de la sorte devait être assez compliqué. Les paroles de Charb font écho aux événements récents et à la façon dont Charlie Hebdo pourrait être considéré. J'ai repris certaines réponses de Charb et remplacé Brassens par Charlie Hebdo. Le meilleur moyen d'aseptiser une œuvre, c'est d'affirmer haut et fort qu'on l'aime, que tout le monde l'adore et de l'étouffer sous les bisous. Quand la bourgeoisie commence à dire qu'elle aime Charlie Hebdo, c'est alors inquiétant pour le sens qui lui est alors donné. Quand Charlie Hebdo fait le consensus de l'extrême droite à l'extrême gauche, que reste-t-il de lui ? Pas grand-chose. Merci Charb de nous faire réfléchir et je renvoie tout le monde à la lecture de Charlie Hebdo et des Amis de Georges. Et naturellement à l'écoute des chansons de Georges Brassens. Gloire à qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. Georges Brassens et François Morel, merci beaucoup François.